Chapitre 15. Le samedi suivant, M. de Lalonde accompagna Lagardie chez la baronne de Jouan. Le journaliste avait dit vrai. Les gens qui étaient là avaient assez bonne apparence. Plusieurs étaient connus d'André. Luxeuil, échappant à la surveillance de Mme de la Saussaye, venait régulièrement flirter avec l'élément exotique et courir une dot au sein de l'élément bourgeois. M. Ledru et sa fille étaient aussi des habitués du salon de la baronne. André les plaça parmi les pantins inconscients dont lui avait parlé Lagardie. Le petit de Chabanis, à la recherche d'une héritière, faisait en attendant la cour à toutes les veuves, prétendant que, sans engager à rien, ça rapportait au moins 3%. Dammartin venait, soi-disant, pour rencontrer Madame Hart, mais en réalité, pour s'amuser à faire rater les mariages. Il excellait à ce passe-temps. Personne ne savait comme lui attirer l'attention du jeune homme sur les imperfections de la demoiselle qu'on lui destinait et signaler à la jeune fille les vices de celui qui aspirait à sa main. « Les ingrats, » disait-il parfois, lorsque son intervention tournant mal lui attirait un camouflet quelconque. « Ils ne comprennent pas ce que je fais pour eux. » Mademoiselle Ledru était à peu près la seule femme qu'André connut la première fois qu'il alla chez Madame de Jouan. Il se rapprocha forcément d'elle et ils causèrent pendant toute la soirée. Geneviève, plus singulièrement à Monsieur de Lalonde, grave, instruite, réfléchie, avec la conversation d'un homme et la grâce pénétrante d'une jeune fille, elle séduisit très vite André. Ce garçon positif et sérieux traversait tardivement la crise que traversent d'ordinaire les hommes très jeunes. N'ayant aimé autrefois qu'à son corps défendant, il aimait aujourd'hui à tort et à travers, et Geneviève, charmeuse entre toutes, devait facilement avoir raison de lui. C'est que M. Moret était parvenu à persuader, non sans peine, à la jeune fille qu'elle devait se marier, et que le mari qu'il lui fallait était M. de Lalonde. Il lui avait donné le conseil de choisir très vite un mari, le jour où, pressée de nouveau par l'aréole, Geneviève lui avait annoncé que le marquis demandait sa main. Certes, elle n'avait pas avoué que l'aréole eût été son amant, mais elle avait dit à M. Moret que, convoitant sa dot et sa personne, le marquis était décidé, si elle ne l'acceptait pas pour mari, à exploiter le secret surpris par lui au bal costumé. Malgré sa peur habituelle du scandale et du « qu'en dira-t-on », le comte avait engagé la jeune fille à résister de toutes ses forces. Elle ne pouvait épouser ce misérable. M. de Lalonde n'avait pas de titre, il est vrai, mais il était parfaitement honorable, possesseur d'une fortune plus qu'indépendante et en passe d'obtenir un des grands postes diplomatiques. Quelle jolie ambassadrice, elle ferait! D'abord, Geneviève résista, surprise de l'entêtement que M. Moret mettait à défendre son projet. Puis, peu à peu, elle se laissa convaincre. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, elle se donna la peine d'examiner attentivement André, et le résultat de cet examen fut qu'il serait un mari charmant. L'idée que M. de Lalonde pouvait ne pas se prêter à cet arrangement ne lui vint même pas à l'esprit, et lorsqu'elle s'aperçut qu'à la fin de mai, les choses n'étaient guère plus avancées qu'au premier jour, elle entra dans une rage froide et se jura qu'avant 3 mois, elle serait la femme de cet homme qui osait lui résister et ne se livrait pas immédiatement pieds et poings liés. En voyant approcher le moment des départs, elle feignit une tristesse extrême qu'elle refusa obstinément d'expliquer. Et de fait, André, évitant de passer sous le joug, lui semblait supérieur aux autres hommes qu'elle pliait comme bon lui semblait. Peu à peu, elle se laissait aller, sinon à l'aimer, du moins à désirer lui appartenir. Plusieurs fois, Lagardie avait averti André que la petite Ledru avait un béguin pour lui, et d'autre part, il avait cru remarquer aussi qu'il ne lui était pas indifférent. Mais le chiffre de la dot de Geneviève l'empêchait de se déclarer, et même de lui laisser deviner la très profonde impression qu'elle faisait sur lui. Il voyait arriver avec chagrin le grand prix, qui, dispersant tous les habitués de Madame de Jouan, allait fatalement faire cesser les fameux samedis. Effectivement, la baronne annonça sa dernière réception et elle invita M. de Lalonde à dîner pour ce jour-là. La baronne de Jouan habite boulevard Haussmann, un splendide appartement au second étage d'une superbe maison dorée du haut en bas. Les murs, la rampe, les plafonds et les boiseries font mal aux yeux. Et la clientèle de la vieille marieuse ne déteste pas ce luxe un peu criard. Les panneaux des salons sont couverts de portraits de famille parfaitement authentiques. On enfonce dans d'épais tapis et la voix s'assourdit contre les tentures de pluche, de vieilles tapisseries, de damas chatoyants et lourds. En examinant très attentivement le mobilier et l'arrangement général de l'appartement, on s'aperçoit que les objets qu'ils remplissent n'étaient pas destinés à se trouver rapprochés. Plusieurs notes fausses frappent désagréablement. Ces beaux meubles sentent le meublé. Lagardy prétend que la baronne a acheté son mobilier à des saisies de cocotte, ou chez les tapissiers qui exposent sur le trottoir, devant leurs portes, ce qu'ils ont de mieux, et qu'elle-même s'habille chez les marchandes à la toilette de la rue de Provence. Il y avait ce soir-là une vingtaine de convives chez Madame de Jouan. D'abord André, Monsieur et Mademoiselle Ledru, Lagardy, Madame Hart, Dammartin et Duplan, toujours à la recherche d'une jeune fille de grande maison qui consentit à l'épouser et eut, si faire se pouvait, un ancêtre templier. Puis une fort belle femme, récemment veuve d'un général qu'elle désirait remplacer dans le délai qu'impose la loi, par quelqu'un de plus frais et de moins gradé. Un magistrat encore jeune, qu'un avancement foudroyant, une fortune rondelette et un physique régulier rendaient l'idéal des demoiselles à marier. Une mère et une fille, femmes très honorables, nouvellement débarquées de province. La fille, superbe de force, éblouissante de fraîcheur, ruisselante de santé, avec une taille trop courte et de beaux grands yeux bêtes, largement ouverts, l'œil du bœuf qui regarde passer un train. La mère, romasse, couperosée, offrant à ceux qui pouvaient songer à épouser sa fille l'image exacte de ce qu'elle serait dans 25 ans. Un jeune homme indécis qui voulait bien se marier comme ça en l'air, mais qui, au moment décisif, lâchait pied invariablement. Une autre mère et une autre fille, parisienne pur sang, habillées à ravir, avec rien. L'air aussi jeune l'une que l'autre et toutes deux également désireuses de se marier. Une famille composée du père, ancien marchand de noir animal, de la mère qui passait pour avoir vigoureusement cascadé sous l'Empire, et de deux enfants, un fils et une fille. Le fils étriqué, doux, timide et sot. La fille assez jolie, le nez pointu, les lèvres minces, le teint mat, possédant malheureusement 8 doigts à la main gauche. La vue de ces 8 doigts exaspérait les nerfs de Lagardy. Ça n'a l'air de rien, 8 doigts. Quand on le raconte, disait-il lorsqu'on parlait devant lui de cette infirmité, eh bien c'est horrible à voir. Ça s'agite, ça grouille. Fi, quand j'ai regardé ça, je ne peux plus manger. Lorsque la baronne de Jouan faisait valoir les perfections de sa protégée, le petit journaliste protestait. On dit toujours ça. Elle aime sa mère, elle a de beaux cheveux, elle est bonne musicienne. Quoi donc encore? Il ajoutait, quand la vieille femme avait le dos tourné, elle doit être méchante comme une gale, cette petite. Je parie qu'elle a encore bien plus de défauts que de doigts. À table, André fut placé à côté de Geneviève Ledru. La jeune fille mangeait à peine et semblait profondément triste. Monsieur Delalonde la questionna sur la cause de cette tristesse. Sans répondre, la jeune fille tourna vers lui ses beaux yeux bleus remplis de larmes. André fut ému de ce chagrin qui lui semblait sincère. Effectivement, Geneviève, irritée de l'attitude de Monsieur Delalonde, était prête à pleurer de colère. Elle sentait les sanglots s'amasser dans son gosier desséché. Elle avait une folle envie de s'offrir, de crier à cet homme qui s'obstinait à ne pas voir. « Voulez-vous que je sois votre femme ?» « Depuis quelque temps, dit André, je remarque que vous n'êtes plus la même. Vous n'êtes pas malade, non? Vous n'avez aucun chagrin. » « Si, répondit résolument Geneviève. » Monsieur Delalonde se tut, craignant de provoquer une confidence qu'il devinait à moitié. Il ne voulait pas épouser la jeune fille, et d'ailleurs, il était bien convaincu que, le voulût-il, on ne la lui donnerait pas. Cette considération était la seule qui l'arrêta, car vivant absolument en dehors du mouvement d'affaires et des potins mondains, il ne soupçonnait pas la fâcheuse réputation du président de l'Alliance universelle. Il se disait seulement que ses 20 000 francs de rente étaient insuffisants pour une fille apportant 3 millions de dot. Il savait que, d'autre part, le père Ledru affichait pour Geneviève les plus hautes prétentions, tenant avant tout à un titre et répétant à qui voulait l'entendre qu'un duc serait tout à fait son affaire. En voyant ce silence qu'elle trouvait offensant, la douce jeune fille fronça imperceptiblement les sourcils et regardant André bien en face. « Vous ne me demandez pas la cause de ce chagrin. » Sa voix tremblait un peu, ses lèvres blanchissaient. « Je suis très discret, » répondit M. de Lalonde, cherchant à plaisanter. Puis voyant qu'elle restait muette, presque farouche, il ajouta « Habitude professionnelle. » Le front de la jeune fille ne se dérida pas. Heureusement, Duplan, assis à sa gauche, vint faire diversion. Il admirait la belle Geneviève sans aucune arrière-pensée. D'abord, son bon sens, pratique dans certains cas, la lui faisait trouver beaucoup trop belle pour une femme légitime. De plus, elle ne remplissait pas les conditions voulues. Sa naissance était plus qu'ordinaire, et devenir le gendre du père Ledru eût semblé à l'ancien pourvoyeur du bey le comble de l'humiliation. Depuis quelques instants, trouvant que la conversation languissait, Hubert Duplan cherchait à la ranimer, abordant successivement et sans aucun succès tous les sujets connus. Ayant épuisé la pluie, le beau temps, les élections, le salon et les courses, il se décida à parler politique, expliquant ses idées, ses principes et ses intentions. Avant toute chose, il était monarchiste. Et pourquoi ? Parce que, tout simplement, il trouvait plus pratique d'être gouverné par un seul imbécile que par 700. Le pauvre homme, n'obtenant pas de réponse, prit le parti de dévorer sans parler. Mais, à un moment donné, entendant Lagardy et Dammartin placés en face de lui rire de tout leur cœur, il n'y put tenir et s'écria, menaçant le petit journaliste de son gros doigt rouge et noueux. « Riez donc pas là-bas quand, dans ce coin-ci, nous nous ennuyons à mourir. » Et voyant que, cette fois, la vieille rognure se tordait, il reprit, sans se douter qu'il venait de faire encore une gaffe. « Dame, c'est vrai, rien n'est plus agaçant que de voir rire comme ça quand on ne s'amuse pas. » Il baissa un peu la voix et s'adressant confidentiellement à Geneviève. « Si au moins on pouvait se griser. Mais il n'y a pas mèche. On vous sert des petits verres de rien du tout. Le goût de ce qu'on est censé boire n'arrive même pas aux organes qui permettent d'apprécier. » Il reluquait ce soir-là la plantureuse jeune fille de province. Elle portait un nom pompeux, et il mourait d'envie de se faire présenter à la mère, une très belle femme aussi, trouvait-il. Il se voyait déjà marié à mademoiselle de Machecoul, et ajoutant ce nom au sien, alors précédé d'un titre. Après le dîner, il alla conter son rêve ambitieux à madame de Jouan. La vieille marieuse fut transportée. « Mademoiselle de Machecoul, dit-elle, réalisait l'idéal rêvé par M. Duplan. Grand nom, santé admirable, éducation littéraire et spartiate, savait au besoin être mondaine, pas beaucoup d'argent, mais une dot suffisante pour subvenir à ses besoins personnels. Une mère charmante, pleine d'indulgence et de bonté au fond, mais un peu province à la surface. D'ailleurs, nullement pressée de marier sa fille. Ignorait complètement que quelques entrevues eussent lieu de temps à autre chez la baronne. Il fallait surtout empêcher à tout prix que ces dames apprissent ce détail, car elles ne reparaîtraient plus s'ils soupçonnaient pareille chose. Madame de Jouan disait vrai. Madame de Machecoul ne devinait pas à quelle industrie la baronne, rencontrée par elle à Vichy, devait sa fortune ou tout au moins la plus grande partie de ses revenus. Elle accepta donc, sans méfiance, la présentation et, radieuse, la vieille femme lui amena son protégé. D'abord, Duplan resta debout devant ces dames, mais madame de Machecoul lui montrant sa fille qui, se levant pour danser, laissait sa chaise libre, lui dit aimablement « Asseyez-vous donc là, monsieur, nous serons mieux pour causer. » Très flatté, le parvenu s'installa sur la pauvre petite chaise de bois doré qui poussa un gémissement plaintif. À peine l'eut-il touché que, s'adressant à la jeune fille qui s'éloignait, il s'écria avec conviction « Matin, ben, vous n'avez pas le sang à la tête, vous !» Et tâtant la chaise de sa lourde main maladroite, il murmura « Cette chaise est brûlante, positivement brûlante. » Il y eut un froid. La noble dame de Machecoul trouva ce monsieur bien mal élevé. Quant à la mère de Jouan, exaspérée, elle se jura de ne plus inviter Duplan à l'avenir. Il était trop compromettant, et il suffisait d'un individu de cette espèce pour déprécier son salon. Elle s'éloigna, navrée, et allant à Geneviève Ledru, assise dans un coin, isolée et rêveuse. « Eh bien, ma belle chérie, vous semblez ne pas vous douter qu'il y ait ici un pauvre garçon qui se meurt d'amour pour vous ?» La jeune fille tressaillit, mais reprenant vite sa physionomie glaciale. « Vraiment ?» dit-elle en souriant, d'un sourire froid et coupant. « Vous le savez bien, petite finode, » reprit la baronne, et épiant l'impression qu'elle allait produire, elle marmotta. « Ce pauvre Luxeuil me fait pitié. Votre grande fortune l'empêche d'oser se déclarer. » En entendant le nom de Luxeuil, Mademoiselle Ledru rougit de colère et d'un ton cassant, sa voix si douce devenue presque rauque, elle répondit « Ah, c'est de monsieur de Luxeuil qu'il s'agit. Eh bien, mais il fait sagement de ne pas se déclarer. On n'épouse pas volontiers les gens de sa sorte. » Mais, balbutia la mère de Jouan, interdite en voyant le peu de succès de son protégé. Déjà, Geneviève, ne l'écoutant plus, s'approchait de son père qui causait avec monsieur de Lalonde. La façon dont elle regardait André frappa la Lagardie. Je parierais bien que la belle Geneviève prendrait volontiers la succession légitime de madame de Guibray, dit-il à Dammartin. Elle me paraît occupée de Lalonde un peu plus qu'il ne faudrait. La vieille rognure jeta sur André un regard de pitié. « Pauvre garçon !»« Comment, pauvre garçon ?» s'écria le petit journaliste. « Sapristi, vous êtes difficile. Je ne me trouverais pas à plaindre si j'étais à sa place, moi. Eh bien, vous auriez tort. Qu'on fasse de Mademoiselle Ledru sa maîtresse, si on le peut, rien de mieux, mais qu'on l'épouse. Non. Elle doit avoir tous les vices, cette fille-là. L'expression du visage est angélique, et la beauté incontestable. Mais toutes les passions mauvaises sont inscrites sur ce masque charmant. Gourmandise, paresse, luxure, rapacité, hypocrisie. Moi, j'y lis tout ça. Je ne suis pas très sensible, n'est-ce pas? Eh bien, je vous assure que je plains cependant de tout mon cœur le malheureux homme qui liera sa vie à celle de cette séraphique créature. Vous serez bien toujours le même. Par esprit de contradiction, vous soupçonnez de tous les vices une jeune fille qu'on se plaît, dans la société, à doter de toutes les vertus. « Possible, » grommela la vieille rognure. « On verra qui est le plus donné de la société ou de moi. »